On est là, 9-1-2-16, c'est pour les homeboys, les SLK, chaotique, 11ème section. Ce soir, peuple, Mason, c'est pour les vrais ça. Gars, façon les vrais ça. Je vous à l'heure, j'essaie de faire ce qu'il y a à dark qui flash. Il faut un taf, évitons de parler des choses qui fâchent. Le temps se dégrade, le ciel est devenu orageux. Mais t'as qu'à plus, j'éviscère plus de bons trucs courageux. Ça pue la galère et les embrouilles à 100 balles. Ma rue te fait bander, comme voir tes meufs qui s'emballent. L'espoir nous ment, y'en a pas un qui va s'en tirer. Même si t'as des couilles, c'est dur de faire un braque au sang tiré. Ne pas te cesse, tu peux ressentir la tâte, pas. Et sur un scru, les mises à l'amende ne datent pas. Les gars me suivent, donc pense à tous les cortèges. Balance repasse devant la scène, repense à tous les cortèges. C'est la guerre, faut qu'on trouve un plan au sec. Ça pue la mort, frère, faut qu'on trouve un plan obsèque. Depuis petit peu, on assume nos vies d'épave. Le soir, ça part au casse-pipe, car nos darons veulent des barres. La mort à moi, a beaucoup de choses à nous apporter. Déporté par la zip, faut pas zapper qu'elle nous apporte. C'est pour les seuls, on n'attendra pas que la messe. Laissez le cas pour une connexion avec les la mort à moi, la voix, a beaucoup de choses à nous apporter. Déporté par la zip, faut pas zapper qu'elle nous apporte. C'est pour les seuls, on n'attendra pas que la messe. Laissez le cas pour une connexion avec les seuls. Bien en rose, noyé dans des brosses de bonheur. À l'heure où je me lève, la bonne humeur est dans mon cœur. J'ai mis de côté les pleurs, les rancœurs envers certains. Accrochés par des méfaits, des effets mauvais, nos quotidiens. De câlins, d'une femme qui sera capable d'aimer. L'être que je suis qui s'ennuie au sein de cette société. Je rappe pour évacuer mes douleurs, mes maux de tête, mes angoisses et mes soi-disant peurs. Critique, parcours chaotique d'une vie gâchée. Depuis notre plus jeune âge, on est seulement bon à vous clasher. Dépassé par les événements, par les médisants qui disent qu'on a peu de chance d'évoluer dans 10 ans. J'ai grandi dans les sommes, quartier sensible, on est la cible des keufs. Des refs qui vendent du chiffre et que pour serrer de la meuf. Faire bonne impression pour paraître toujours dans l'action. Avec une vision bien précise que je vous transmets dans ma passion. La vie comme on la voit a beaucoup de choses à nous apporter. Déporté par la zip, faut pas zapper qu'elle nous apporte. C'est pour les seuls, on n'attendra pas que la messe. Laissez le cas pour une connexion avec les la vie comme on la voit a beaucoup de choses à nous apporter. Déporté par la zip, faut pas zapper qu'elle nous apporte. C'est pour les seuls, on n'attendra pas que la messe. Laissez le cas pour une connexion avec les seuls. J'ai remarqué, ma santé s'est détériorée, terrorisée, mes poumons sont explosifs comme des terroristes. Je veux partir d'ici et retrouver le sourire comme un mec Adam. En attendant le bonheur s'est fait bouffer par le macadam. Ici c'est chaud et on rajoute du piment à nos récits. Si j'aurais su bouffer la vie, j'aurais vesti l'anorexie. La solitude me fait peur, je te le dis honnêtement. C'est pour les frères qui sont sapés à la halovette. J'écris mes pensées et je veux pas rester qu'un intermittent. T'as kiffé le début, attends que j'arrive à la deuxième mi-temps. Ok c'est temps mort, c'est le moment de se remettre en question. Il est temps de se débarrasser de la merde que nous empestons. Enlacé par le mal, délaissé par le bonheur. Trop de fils de pute, laisse-moi rire quand j'entends que ça parle d'honneur. Trop de faux MC, avec la faux bien trop lessivé. Remballe tes pompes, t'as bien compris que je voulais pas te lessiver. La vie comme on la voit, a beaucoup de choses à nous apporter. Déporté par la zip, faut pas zapper qu'elle nous apporte. C'est pour les seuls, on n'attendra pas que la messe. Laissez le cas pour une connexion avec les la vie comme on la voit, a beaucoup de choses à nous apporter. Déporté par la zip, faut pas zapper qu'elle nous apporte. C'est pour les seuls, on n'attendra pas que la messe. Laissez le cas pour une connexion avec les seuls. Sonne pour EDR, leur pénis, pute pénis, ça fait bra bra bra bra bra. 91, 33, une génération, siffleur chaotique, ça fait bra bra bra. Pas de sexe, ma gueule, hein, Baker. C'est pour le son alias, MSA, la bombe humaine, c'est deux os, crise d'humanité. La 11ème section, elle prépare peu pour Malibu Club, ANBDM, hein, MKF, Marie Marie. Ouais ouais. Ok. C'est pour les vrais ça. Façon les vrais le savent. C'est pour les vrais ça. Façon les vrais le savent. C'est pour les vrais ça. Façon les vrais le savent. Façon les vrais le savent. 2007 ton tour. Mon père c'est dans la pour le faire. J'en place une pour les vrais potes. Je dédicace pas les faux frères. Ouais. On dédicace pas les faux frères. Ouais. On dédicace tu pas les faux frères. Mason chaotique. On représente jusqu'au bout, frère. Ouais, c'est pour la famille. Ouais, ouais, ouais, ouais.